quelque chose avec le avec quoi je pourrais suivre. You have long hair and you look like a hippie. No, I'm fat and tall. Das ist der Rhythmus. Das ist der Rhythmus. Da. Thank you. Mmh.